Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. 7e épisode. Souffrances ingénues. Oui, ma chère, il vous arrivera, dans l'état de mariage, des choses dont vous vous doutez très peu. Mais il vous en arrivera d'autres dont vous vous doutez encore moins. Ainsi... L'auteur, peut-on dire ingénieux, qui a entrepris les petites misères de la vie conjugale, n'a pas besoin de faire observer qu'ici, par prudence, il a laissé parler une femme comme il faut, et qu'il n'accepte pas la responsabilité de la rédaction, tout en professant la plus sincère admiration pour la charmante personne à laquelle il doit la connaissance de cette petite misère. Ainsi, dit-elle. Cependant, il éprouve la nécessité d'avouer que cette personne n'est ni Madame Foulepointe, ni Madame de Fichetaminel, ni Madame Deschard. Madame Deschard est trop collémentée, Madame Foulepointe est trop absolue dans son ménage. Nous laissons à chacun la liberté de penser que cette interlocutrice est Caroline. Non pas la nièce Caroline des premières années, mais Caroline devenue femme de 30 ans. Ainsi, vous aurez, s'il plaît à Dieu, des enfants. Madame, lui dis-je, ne mettons point Dieu dans ceci, à moins que ce mot ne soit une allusion. Vous êtes un impertinent, on n'interrompt point une femme. Quand elle s'occupe d'enfants, je le sais. Mais il ne faut pas, madame, abuser de l'innocence des jeunes personnes. Mademoiselle a passé l'âge où l'on dit aux jeunes personnes que le petit frère a été trouvé sous un chou. Vous voulez me faire dire des sottises, reprit-elle en souriant et montrant les plus belles dents du monde. Je ne suis pas assez forte pour lutter contre vous. Je vous prie de me laisser continuer avec Joséphine. Que te disais-je? Que si je me marie, j'aurai des enfants. Eh bien, je ne veux pas te peindre les choses en noir. Mais il est extrêmement probable que chaque enfant te coûtera une dent. À chaque enfant, j'ai perdu une dent. Heureusement, lui dis-je, que chez vous, cette petite misère a été plus que petite. Elle a été minime. Les dents perdues étaient de côté. Mais remarquez, mademoiselle, que cette petite misère n'a pas un caractère normal. La misère dépend de l'état et de la situation de la dent. Ne confondons pas les bonheurs avec les misères. Eh bien, au risque de te faire perdre tes illusions, pauvre enfant, je vais t'expliquer une petite misère. Une grande, oh, c'est atroce. Je ne sortirai pas des chiffons auxquels monsieur nous renvoie. Mais je protestais par un geste. J'étais mariée depuis environ 2 ans, et j'aimais mon mari. Je suis revenue de mon erreur. Je me suis conduite autrement pour son bonheur et pour le mien. Je puis me vanter d'avoir l'un des plus heureux ménages de Paris. Enfin, ma chère, j'aimais le monstre, je ne voyais que lui dans le monde. Déjà plusieurs fois, mon mari m'avait dit... Les jeunes personnes ne savent pas très bien se mettre. Ou ta mère aimait à te fagoter, elle avait ses raisons. Si tu veux me croire, prends modèle sur Madame de Fichetaminel. Elle a bon goût. Moi, bonne bête du bon Dieu, je n'y entendais point malice. Un jour, en revenant d'une soirée, il me dit... As-tu vu comme Madame de Fichetaminel était mise? Oui, pas mal. En moi-même, je me dis... Il me parle toujours de Madame de Fichetaminel, il faut que je me mette absolument comme elle. J'avais bien remarqué l'étoffe, la façon de la robe et l'ajustement des moindres accessoires. Me voilà toute heureuse, trottant, allant, mettant tout en mouvement pour me procurer les mêmes étoffes. Je fais venir la même couturière... Vous habillez Madame de Fichetaminel, lui dis-je. Oui, madame. Eh bien, je vous prends pour ma couturière, mais à une condition. Vous voyez que j'ai fini par trouver l'étoffe de sa robe. Je veux que vous me fassiez la mienne absolument pareille à la sienne. J'avoue que je ne fis pas attention tout d'abord au sourire assez fin de la couturière. Je le vis cependant, et plus tard je me l'expliquais. Pareil. Pareil, lui dis-je. Mais à s'y méprendre. À s'y méprendre. Oui, madame. Oh, oh, dit-elle en s'interrompant et me regardant. Ce qu'il m'a fallu de soins, de pas et de démarches pour arriver à être le sosie de Madame de Fichetaminel. Je ne trouvais pas un certain petit châle de cou brodé, une merveille. Enfin, je finis par découvrir qu'il a été fait exprès. Je déniche l'ouvrière. Je lui demande un châle pareil à celui de Madame de Fichtaminel. Une bagatelle. 150 francs. Il avait été commandé par un monsieur qu'il avait offert à Madame de Fichtaminel. Mes économies y passent. Nous sommes toutes, nous autres parisiennes, extrêmement tenues en bride à l'article toilette. J'avais une petite fierté de femme qui aime. Je ne voulais pas parler de cette toilette à mon mari. Je voulais lui en faire une surprise. Bécasse que j'étais. Enfin, le jour de mon triomphe arrive. Vraiment, le cœur me battait de joie. J'étais comme un enfant. Tout ce qu'on est à 22 ans. Mon mari m'allait venir prendre pour une promenade aux Tuileries. Il entre. Je le regarde toute joyeuse. Il ne remarque rien. Eh bien, je puis l'avouer aujourd'hui, ce fut un de ces affreux désastres. Non, je n'en dirai rien, monsieur que voici se moquerait. Je protestais par un autre geste. Ce fut... Une femme ne renonce jamais à ne pas tout dire. De voir s'écrouler un édifice bâti par une fée. Pas la moindre surprise. Nous montons en voiture. Adolphe me voit triste. Il me demande ce que j'ai. Je lui réponds, comme nous répondons quand nous avons le cœur serré par ces petites misères, « Rien. » Et il prend son lorgnon et il lorgne les passants le long des Champs-Élysées. Enfin, l'impatience me prend. J'avais un petit mouvement de fièvre et quand je rentre, je me compose pour sourire. « Tu ne m'as rien dit de ma toilette ?»« Tiens, c'est vrai. Tu as une robe à peu près pareille à celle de Madame de Fichtaminel. » Il tourne sur ses talons et s'en va. Le lendemain, je boudais un peu, vous le pensez bien. Arrive, au moment où nous avions fini de déjeuner dans ma chambre au coin de mon feu, je m'en souviendrai toujours, arrive l'ouvrière qui venait chercher le prix du petit châle de cou. Je la paie, elle salue mon mari comme si elle le connaissait. Bonjour monsieur. Je cours après elle sous prétexte de lui faire acquitter sa note et je lui dis... Vous lui avez fait payer moins cher le châle de Madame de Fichtaminel. Je vous jure madame que c'est le même prix, monsieur n'a pas marchandé. Je suis revenue dans ma chambre et j'ai trouvé mon mari sot comme... Elle s'arrêta, reprit... Comme un meunier qu'on vient de faire évêque. Je comprends, mon ami, que je ne serai jamais qu'à peu près pareil à Madame de Fichtaminel. Je vois ce que tu veux me dire à propos de ce châle. Eh bien, oui, je lui ai offert pour le jour de sa fête. Que veux-tu ? Nous avons été très amis autrefois. Ah, vous avez été jadis encore plus liés qu'aujourd'hui. Mais c'est purement moral. Il prit son chapeau, s'en alla et me laissa seule sur cette belle déclaration des droits de l'homme. Il ne revint pas pour dîner et rentra fort tard. Je vous permets de vous moquer de moi. Mais je pleurais sur mes illusions de jeune mariée. Je pleurais de dépit d'avoir été prise pour une dupe. Je me rappelais le sourire de la couturière. Ah. Ce sourire me remit en mémoire les sourires de bien des femmes qui riaient de me voir petite fille chez Madame de Fichtaminel. Je pleurais sincèrement. Combien de grandes misères dans cette petite misère. Vous êtes de grossiers personnages. Oh. Il n'y a pas une femme qui ne pousse la délicatesse jusqu'à broder des plus jolis mensonges le voile avec lequel elle vous couvre son passé, tandis que vous autres. Oh. Mais je me suis vengée. Madame, vous allez trop instruire mademoiselle. C'est vrai, je vous dirai la fin dans un autre moment. Ainsi, mademoiselle, vous le voyez, vous croyez acheter un châle et vous vous trouvez une petite misère sur le cou. Si vous vous le faites donner... C'en est une grande. Restons-en là. La morale de cette fable est qu'il faut porter son châle sans y trop réfléchir. Les anciens prophètes appelaient déjà ce monde une vallée de misère. Or, dans ce temps, les Orientaux avaient, avec la permission des autorités constituées, de jolies esclaves, outre leurs femmes. L'Amadis Omnibus. Vous m'excuserez, dit Jacques-Caroline, je suis resté chez vous, malgré vous, peut-être. Mais votre vengeance perdrait à être dite plus tard, et si elle a constitué pour votre mari quelques petites misères, il y a pour moi le plus grand intérêt à la connaître, et vous saurez pourquoi. Ah ! Ce mot, c'est purement moral. Donné comme excuse m'avait choqué au dernier point. belle consolation de savoir que j'étais dans son ménage à meubles, une chose, que l'amour conjugal était assimilé aux pilules digestives, au sirop de mou de veau, à la moutarde blanche, que Madame de Fichtelminel avait à elle l'âme de mon mari, ses admirations, et charmait son esprit, tandis que j'étais une sorte de nécessité purement physique. Oh, dans cette soirée, j'étais furieuse. Et je ne sais plus tout ce que j'ai crié dans le désert de ma chambre à coucher. Nos petites misères, à nous, sont toujours grosses d'une grande misère. Enfin, il fallait une leçon à mon Adolphe. Vous connaissez le vicomte de Lustrac ? Un amateur effréné de femmes, de musique, un gourmet, un de ces ex-beaux qui se cultivent eux-mêmes avec des soins excessifs pour obtenir des regains. Oui, un de ces gens pincés, corsés, busqués à 60 ans, qui abusent de la finesse de leur taille et sont capables d'en remontrer aux jeunes dandies. Monsieur de Lustrac est égoïste comme un roi, mais galant, prétentieux, malgré sa perruque noire comme du jais. Il se teint aussi les favoris. Il va le soir dans 10 salons. Il papillonne. Il donne d'excellents dîners, des concerts et protège des cantatrices encore neuves. Il voltige autour de tous les plaisirs et travaille énormément à s'amuser. Il prend le mouvement pour la joie. Oui, mais il s'enfuit à tire-d'aile dès que le chagrin pointe quelque part. Vous êtes en deuil, il vous fuit. Vous accouchez, il attend les relevailles pour venir vous voir. Il est d'une franchise mondaine, d'une intrépidité sociale qui mérite l'admiration. Mais n'y a-t-il pas du courage à être ce qu'on est? Eh bien, ce jeune vieillard, cet Amadis Omnibus, devint l'objet de mes admirations. Il y avait de quoi? Un homme capable de faire à lui tout seul sa figure et ses succès. Alors je lui fis quelques-unes de ces avances qui ne compromettent jamais une femme. Je lui parlai du bon goût de ses derniers gilets, de ses cannes, et il me trouva de la dernière amabilité. Moi, je trouvais mon chevalier de la dernière jeunesse. Il vint me voir, je minaudais, je finis d'être malheureuse en ménage, d'avoir des chagrins. Vous savez ce que veut dire une femme en parlant de ses chagrins, en se prétendant peu comprise. Ce vieux singe me répondit beaucoup mieux qu'un jeune homme. J'eus mille peines à ne pas rire en l'écoutant. Voilà les maris, ils ont la plus mauvaise politique. Ils respectent leur femme et toute femme est tôt ou tard furieuse de se voir respectée. Et sans l'éducation secrète à laquelle elle a droit. Vous ne devez pas vivre une fois mariée comme une petite pensionnaire. Etc, etc. Il se tortillait, il se penchait, il était horrible. Il avait l'air d'une figure de bois de Nuremberg. Il avançait le menton, il avançait sa chaise, il avançait la main. Enfin, après bien des marches, des contre-marches, des déclarations angéliques... Bon... Oui. Il avait abandonné le classique de sa jeunesse pour le romantisme à la mode. Il parlait d'âme, d'ange, d'adoration, de soumission. Il me conduisait à l'opéra et me mettait en voiture. Ce vieux jeune homme allait là où j'allais. Il redoublait de gilet. Il se serrait le ventre. Il mettait son cheval au grand galop pour rejoindre et accompagner ma voiture au bois. Il me compromettait avec une grâce de lycéen. Il passait pour fou de moi. Je me posais en cruelle, mais... j'acceptais son bras et ses bouquets. On causait de nous. J'étais enchantée. J'arrivais bientôt à me faire surprendre par mon mari, le vicomte sur mon canapé, dans mon boudoir, me tenant les mains et moi l'écoutant avec une sorte de ravissement extérieur. C'est inouï ce que l'envie de nous venger nous fait dévorer. Je parus contrariée de voir entrer mon mari qui, le vicomte parti, me fit une scène. « Je vous assure, monsieur, lui dis-je après avoir écouté ses reproches, que c'est purement moral. » Mon mari comprit et n'alla plus chez Madame de Fichtelminel. Moi, je ne reçus plus monsieur de Lustrac. « Mais, lui dis-je, Lustrac, que vous prenez, comme beaucoup de personnes, pour un célibataire et veuf et sans enfant. » Bah. Aucun homme n'a plus profondément enterré sa femme. Dieu ne la retrouvera pas au jugement dernier. Il s'est marié avant la Révolution, et votre purement moral me rappelle un mot de lui que je ne puis me dispenser de vous répéter. Napoléon nomma Lustrac à des fonctions importantes dans un pays conquis. Madame de Lustrac, abandonnée pour l'administration, prit, quoique ce fût purement moral, pour ses affaires particulières, un secrétaire intime. Mais elle eut le tort de le choisir sans en prévenir son mari. Lustrac rencontra ce secrétaire à une heure excessivement matinale et, fort ému, car il s'agissait d'une discussion assez vive, dans la chambre de sa femme. La ville ne demandait qu'à rire de son gouvernement, et cette aventure fit un tel tapage que Lustrac demanda lui-même son rappel à l'empereur. Napoléon tenait à la moralité de ses représentants, et la sottise, selon lui, devait déconsidérer un homme. Vous savez que l'empereur, entre toutes ses passions malheureuses, a eu celle de vouloir moraliser sa cour et son gouvernement. La demande de Lustrac fut donc admise, mais sans compensation. Quand il vint à Paris, il y reparut dans son hôtel avec sa femme. Il la conduisit dans le monde, ce qui, certes, est conforme aux coutumes aristocratiques les plus élevées, mais il y a toujours des curieux. On demanda raison de cette chevaleresque protection. Vous êtes donc remis, vous et madame de Lustrac. Vous lui avez tout pardonné. Vous avez bien fait. Oh, j'ai acquis la certitude. Ah, bien. De son innocence, vous êtes dans les règles. Non. Je suis sûr que c'était purement physique. L'opinion de votre adorateur réduit cette grande misère à n'en être, en ce cas, comme dans le vôtre, qu'une très petite. Une petite misère ? Et pourquoi prenez-vous les ennuis de coqueter avec un monsieur de Lustrac de qui je me suis fait un ennemi ? Allez, les femmes paient souvent bien cher les bouquets qu'on leur donne et les attentions qu'on leur prodigue. Monsieur de Lustrac a dit de moi à monsieur de Bourgarel. Le même Ferdinand de Bourgarel que la politique, les arts et les amours ont eu la douleur de pleurer récemment, selon le discours prononcé sur sa tombe par Adolphe. Je ne te conseille pas de faire la cour à cette femme-là. Elle est trop chère. Sans profession. Ah, madame la comtesse de Cyrus Carola, née Vermini, à Menton, État Sardes. Vous me demandez, ma chère maman, si je suis heureuse avec mon mari. Assurément, monsieur de Fichtaminel n'était pas l'être de mes rêves. Je me suis soumise à votre volonté, vous le savez. Monsieur de Fichtaminel, enfin, est un joli homme pour un homme de 36 ans, et il a été décoré par Napoléon sur le champ de bataille. Beaucoup de femmes trouvent que j'ai fait un bon mariage, et je dois convenir que toutes les apparences du bonheur y sont, pour la société. Je n'ai rien à dire contre monsieur de Fichtaminel. Il n'est pas joueur, les femmes lui sont indifférentes, il n'aime point le vin, il n'a pas de fantaisie ruineuse. Il possède, comme vous le disiez, toutes les qualités négatives qui font les maris passables. Mais qu'a-t-il ? Eh bien, chère maman, il est inoccupé. Nous sommes ensemble pendant toute la sainte journée. Croiriez-vous que c'est pendant la nuit, quand nous sommes le plus réunis, que je puis être le moins avec lui ? Je n'ai que son sommeil pour asile. Ma liberté commence quand il dort. Non, cette obsession me causera quelque maladie. Je ne suis jamais seule. Si monsieur de Fichtaminel était jaloux, il y aurait de la ressource. Ce serait alors une lutte, une petite comédie. Mais il ne m'a pas quittée depuis notre mariage. Il n'éprouve aucune honte à s'étaler sur un divan et il y reste des heures entières. Monsieur de Fichtaminel a la lecture en horreur. S'il me voit lisant, il arrive et me demande 10 fois dans une demi-heure « Nina, ma belle, as-tu fini ?» J'ai voulu persuader à cet innocent persécuteur de monter à cheval tous les jours. Et j'ai fait intervenir la suprême considération pour les hommes de 40 ans, sa santé. mais il m'a dit qu'après avoir été pendant 12 ans à cheval, il éprouvait le besoin de repos. Autre supplice. Nous ne pouvons plus nous promener. La promenade sans conversation, sans intérêt, est impossible. Mon mari se promène avec moi pour se promener, comme s'il était seul. On a la fatigue sans avoir le plaisir. De notre lever à notre déjeuner, l'intervalle est rempli par ma toilette, par les soins du ménage. Je puis encore supporter cette portion de la journée. Mais du déjeuner au dîner, c'est une lande à labourer, un désert à traverser. L'inoccupation de mon mari ne me laisse pas un instant de repos. Il m'assomme de son inutilité, son inoccupation me brise. Ses deux yeux ouverts à toute heure sur les miens me forcent à tenir mes yeux baissés. Enfin, ces monotones interrogations. Quelle heure est-il, ma belle ? Que fais-tu donc là ? Que comptes-tu faire ? À quoi penses-tu ? Où irons-nous ce soir ? Quoi de nouveau ? Etc. Toutes ces variations de la même chose. Le point d'interrogation qui compose le répertoire Fiche d'Aminel me rendront folle. Ajoutez à ces flèches de plomb incessamment décochées un dernier trait qui vous peindra mon bonheur et vous comprendrez ma vie. Monsieur de Fiche d'Aminel, parti sous-lieutenant à 18 ans, n'a d'autre éducation que celle due à la discipline, à l'honneur du militaire. S'il a du tact, le sentiment du probe, de la subordination, il est d'une ignorance crasse. Il ne sait absolument rien et il a horreur d'apprendre quoi que ce soit. Oh, ma chère maman, quel concierge accompli ce colonel aurait fait s'il eût été dans l'indigence ? Je ne lui sais aucun gré de sa bravoure. Il ne se battait pas contre les Russes ni contre les Prussiens. Il se battait contre l'ennui. En se précipitant sur l'ennemi, le capitaine Fiche d'Aminel éprouvait le besoin de se fuir lui-même. Il s'est marié par désœuvrement. J'ai tant envie, chère maman, d'être une honnête femme, que je vais essayer de voyager 6 mois par année. Pendant l'hiver, j'irai tous les soirs aux Italiens, à l'opéra, dans le monde. Mais notre fortune est-elle assez considérable pour fournir à de telles dépenses ? Si vous trouvez un remède à mes maux, indiquez-le à votre fille, qui vous aime autant qu'elle est malheureuse, et qui aurait bien voulu se nommer autrement que Nina Fiche d'Aminel. Outre la nécessité de peindre cette petite misère qui ne pouvait être bien peinte que de la main d'une femme, et quelle femme ! Il était nécessaire de vous faire connaître la femme que vous n'avez encore vue que de profil la semaine dernière, la reine de la société particulière où vit Caroline, la femme enviée, la femme habile qui, de bonne heure, a su concilier ce qu'elle doit au monde avec les exigences du cœur. Cette lettre est son absolution. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation, Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie française. Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gonon, Pauline Méreuse, Suliane Brahim, Hervé Pierre, Elsa Lepoivre. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.